c'est peut très cher et d'autres fois c'est peut bon vent. Faut pas ou jamais quoi, l'amour nous t'a faibli. Et que y'a qui fleurit, toujours plus belle pour moi. Moi la poupée qu'aime bien, et pas jamais.